Bonsoir, bienvenue à cette troisième rencontre du club des Gilets jaunes de Montreuil. Et donc ce soir, c'est une invitation à une discussion évidemment autour du mouvement des Gilets jaunes. Et cette discussion, elle va se faire en présence de Jacques Rancière qui est avec nous. Merci pour sa présence. Et peut-être vous dire d'abord que nous n'avions pas envie, et lui non plus, d'une conférence. C'est-à-dire qu'il vienne, d'une certaine manière, donner sa parole sur le mouvement. On avait plutôt envie d'avoir une discussion avec vous, entre nous, et en présence de Jacques Rancière, à propos de sujets qui questionnent le mouvement actuel. Donc cette soirée, elle va se dérouler autour de quatre thématiques ou de quatre questions que nous avons préalablement travaillées dans le club. Et ces quatre questions vont rythmer la soirée. Et Jacques Rancière interviendra, réagira, discutera avec nous dans ces quatre questions. Bonsoir. Alors, l'idée du premier thème, c'était une question un peu générale sur faut-il marquer la division ou la colmater au sein du mouvement des Gilets jaunes? Alors, il y avait deux aspects, une dimension qui est plus liée, disons, au mouvement en général et une dimension plus interne ici à Montreuil, mais je pense qui peut s'illustrer dans d'autres endroits. Le point de départ, un petit peu, c'était un constat partagé d'un mouvement qui, plus encore que bien d'autres mouvements, était composé, enfin, où il y avait une certaine impureté, tant du point de vue de la composition sociale que du point de vue de la composition politique. Donc, impureté, ce n'est pas péjoratif, évidemment. Donc, pas de catégorie sociale bien déterminée, des sensibilités politiques qui peuvent être assez diverses, voire très diverses. Et donc, ça, on peut considérer que c'est un point de force, en un sens, en tout cas. Et ça traduit aussi quelque part une apparition populaire, cette impureté-là. Et là où on a envie d'un peu de porter un petit peu la polémique à cet endroit, c'est on se disait que souvent on entend un discours qui, sous prétexte de cette impureté, cherche à éviter toute division qui pourrait ramener, disons, à quelque chose de plus connu. Du coup, il y a une esquive sur un certain nombre de questions qui seraient susceptibles de diviser. On nous dit, vous allez diviser le mouvement. C'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Et notamment sur les questions relatives et spécifiques, entre guillemets, aux supposées minorités, disons quoi. C'est-à-dire, alors, minorité avec toutes les guillemets possibles, femmes, LGBT, racisées, étrangers, etc. Du coup, l'analyse qu'on faisait, bon, je pense qu'elle est quand même relativement partagée, mais c'est que le fait de tenir un petit peu sous silence ces questions-là laissait finalement place à une idée du peuple qui pouvait, à certains égards, être assez traditionnelle et qui pouvait effectivement faire l'objet d'une récupération ou, disons, laisser la place, en tout cas beaucoup trop de place, selon nous, à des formes, enfin des militants d'extrême droite, etc., qui peuvent, depuis cette forme un peu substantielle, un peu traditionnelle du peuple, et cette façon d'écarter ces questions dites minoritaires, trouvent davantage d'espace que si on en faisait quelque chose de ces questions. Et elles nous semblent aussi nous rendre vulnérables aux opérations de pouvoir qui sont manifestes et que tout le monde perçoit, je pense, assez distinctement, qui entend à la fois relayer les actes xénophobes, homophobes, etc., en donner le plus d'écho possible, et en même temps en se posant comme protecteur, comme figure un peu paternelle, protecteur des minorités contre les supposées pulsions populaires qui seraient destructrices, quoi, disons. Voilà. Bon. Et là, on pense évidemment en particulier au discours de Macron, qui oscille entre condescendance et blâme. Alors, on a le premier discours sur les mœurs qui ne sont pas comme les nôtres, ou le second sur la foule haineuse, homophobe, etc. Donc là, rien aussi que de très connu. qu'à ce titre aussi, il y a eu dans le mouvement, en tout cas à Montreuil et je pense ailleurs, une espèce de timidité ou de, je sais pas de, comment dire, de frilosité aussi à l'endroit de l'action des antifascistes à cet égard. Moi, je voudrais tout simplement saluer le fait qu'ils ont agi d'une manière qui s'imposait et qui a sauvegardé quelque chose pour nous, quoi, disons, à Paris, à Lyon et ailleurs. L'autre dimension, évidemment, c'est qu'en écartant, sous prétexte de ne pas vouloir diviser ce genre de questions, donc féministes, antiracistes, etc., on fournit aussi... prétexte de bonne ou de mauvaise foi à ceux qui, disons, hésitent ou, étant très concernés par la question, entendent qu'elles apparaissent d'abord avant de s'engager et de prendre part au cours des choses. Et ce que je voulais dire, pour finir, je vais m'arrêter là, c'est que pourtant le mouvement des Gilets jaunes a pu vérifier que l'approfondissement de la division n'était pas nécessairement synonyme de morcellement ou d'affaiblissement, mais au contraire d'affermissement du mouvement. On a vu que en ne se contentant pas de taxes sur l'essence, en ne se contentant pas de cette histoire d'injustice fiscale, mais en critiquant une injustice beaucoup plus globale et en allant même jusqu'à critiquer l'institution policière d'une manière très très ample, je crois, et le système représentatif, on a vu que le mouvement ne s'est pas du tout morcelé, bien au contraire, et qu'il a pu construire davantage de fermeté à cet endroit. Et du coup, le point de vue qu'on voulait développer là, en discutant, en préparant cette discussion, c'est dès lors que l'on se refuse à travailler cette division ou cette division du peuple, ce sont, disons, les figures du peuple unitaire qui excluent ceux ou celles qui ne lui ressemblent pas, et en particulier des formes d'étrangeté, disons. Et on favorise, disons, l'émergence d'une espèce de père protecteur, où on favorise le fait qu'il puisse passer au premier plan. Voilà. Donc là-dessus, s'il y a des réflexions, des critiques, des... voilà. Et donc, Salem. Je ne sais pas qui est Salem. Voilà. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Salem. Je viens de Lannion, Bretagne, Côte d'Armor. Je fais partie des Gilets jaunes depuis le début. J'ai fait partie des référents, en fait, sur une espèce d'intersecteur régional Bretagne. J'ai eu énormément de problèmes avec ce que j'ai entendu. La notion d'impureté m'a tout à fait déplu. J'ai pas du tout compris, en fait, ce que ça voulait dire. Après, il y a une diversité, une pluralité. Une impureté, je sais pas à quoi ça peut ressembler en tant qu'humanité, en fait, je comprends pas. Alors maintenant, je vais parler en mon nom propre. Voilà, je vais quitter Lannion, je vais quitter l'intersecteur Bretagne. Sur notre rond-point, donc à Bel Air, on avait trois ronds-points à Lannion, les gens ont naturellement, de façon inconsciente, pas parlé de politique partisane. J'ai l'impression, ça c'est mon interprétation personnelle, que les gens l'ont fait de façon inconsciente, en sachant bien que si jamais ils abordaient certaines problématiques, les gens allaient se diviser. Et que les gens qui étaient sur le rond-point là, il y avait de toutes les origines sociales, politiques, du Front National, du Rassemblement National, du FI, du syndicat, de la CGT, voilà, une grande diversité. Que ce qui se passait sur les ronds-points, ça a permis, en fait, de cimenter ces gens-là, à travers le travail, l'organisation, les mouvements, la manifestation, et que c'est très important pour nous, pour réussir à obtenir quoi que ce soit du gouvernement, de rester unis. Voilà. On aura toute l'attitude de discuter de tous les problèmes techniques si jamais on arrive à obtenir une certaine reprise en main de nos représentants. Voilà. Et voilà, donc ça c'était mes propos et mon analyse. Merci. Je pense que la diversité, c'est une richesse, parce que c'est évident qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. on peut être ne pas pouvoir finir ses fins de mois sous tout un tas de statuts, chômeur, auto-entrepreneur, commerçant, agriculteur, etc., salarié, etc. Et on peut ne pas avoir le même point de vue, avoir été tellement écœuré par les expériences menées par ce qui s'appelle la gauche qu'on peut croire que ça sera mieux du côté de l'extrême droite. Ce qui est important, justement, c'est de pouvoir échanger, du coup, se nourrir de cette diversité, la faire évoluer, faire du chemin dans la tête des gens en discutant ensemble, en montrant une solidarité entre nous. Mais la diversité, c'est vraiment une richesse et c'est évident. On ne va pas partir tous en étant tous d'accord, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est ce qu'ils essayent de faire dans les partis politiques. On a vu le résultat. Bon, je n'ai pas une parole, disons, véritablement décisive sur cette question. Je crois que, bon... Simplement, d'abord impureté, enfin, il faut pas, disons, c'est effrayer des mots. Pur, ça veut dire simplement si c'est mélangé ou pas mélangé. Quoi. Pur, ça renvoie à bon, finalement une certaine unité, effectivement, prédonnée en quelque sorte, où les gens sont déjà ensemble d'une certaine façon, ils sont porteurs d'une même idée. Quoi. Bon, et puis impureté, ça veut dire que c'est mélangé, ça veut pas dire que c'est sale, que c'est. Bon, je crois qu'il bon, faut être clair là-dessus. Quoi. Bon, alors, diversité, je crois que bon, il faut savoir ce que ça veut dire. Quoi. Justement, il faut pas rester à penser diversité sur le mode, je dirais, des représentants des divers partis sociaux, quoi. Parce que précisément, je pense que ce qu'il y a, c'est dans la dynamique d'un mouvement. Bon, les gens qui sont là, effectivement, ils viennent d'endroits très différents, ils viennent de sensibilités très différentes. Et au fond, si on pose la question, disons unis, pas unis, est-ce que finalement on discute pas, c'est par rapport à la dynamique même du mouvement, quoi. Et alors, donc au fond, il me semble que par rapport à la question que posait Thierry, la question se pose pas en général, elle se pose. Bon, il y a un mouvement, ce mouvement, il est parti. Bon, finalement, en gros, ben, précisément de là où on l'attendait pas, quoi. Par conséquent, disons, il n'a pas été lancé par des gens qui avaient comme une espèce d'agenda politique. Non, il est parti comme ça. Et puis, il y a des gens qui essayent un petit peu de s'y insérer avec leurs valeurs propres, leurs idées propres. Et d'une certaine façon, font Thierry représenter là une sensibilité qui, bon, a pensé que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des choses à faire. Bon, avec évidemment une sensibilité qui venait d'ailleurs, quoi. Et enfin, en se demandant un peu pour chacun qui participe, font ce sur quoi il est d'accord, ou elle est d'accord pour ne pas insister, puis ce sur quoi bon, il faut insister. Quoi. Alors bon, il est clair qu'il n'est pas question, disons, de demander que le mouvement des Gilets jaunes, d'abord, à quel titre le demander? Le mouvement, il est parti finalement, précisément sur une logique, sur une dynamique qui finalement échappe complètement, bon, y compris à ceux qui essayent de discuter ici aujourd'hui. Donc il n'est pas question de demander qu'il y ait une espèce de reconnaissance, qu'on prenne en compte toutes les minorités, on prenne en compte toutes les sensibilités. Bon, en revanche, je veux dire, dans chaque mouvement, bon, il y a des moments effectivement où, disons, ces questions d'égalité, elles se posent concrètement, quoi. C'est-à-dire que, bon, pour les gens qui ont été fait partie de mouvements supposés révolutionnaires, on sait très bien qu'à un tas de moments, c'est posé la question finalement de, bon, est-ce que, disons, on accepte, on n'accepte pas, par exemple, que, disons, la parole des femmes soit minorisée ou soit pas entendue. Est-ce qu'on accepte un certain nombre de comportements, un certain nombre finalement de rapports entre, disons, ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui sont d'ici. Et donc je crois que c'est la question qui vraiment se pose à chaque moment. Donc, parce que la question même, il faut être unis pour obtenir quelque chose, mais la question bien sûr, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et la logique d'un mouvement, c'est qu'on va toujours au-delà de ce qu'on veut obtenir et qu'il y a forcément des moments où il y a des clashs. Quoi. Et bon, il est clair que le moment où on voit approcher les fameuses élections européennes, il y aura de plus en plus de clashs, quoi, parce que c'est le moment aussi où chacun veut évidemment ramener ses billes et tirer la couverture à soi. Donc je ne sais pas, je crois que Il ne faut pas être obsédé par l'unité, parce que bon, on voit bien que des mouvements qui veulent être unanimistes, souvent ça aboutit à rien, que ça aboutit qu'on cherche tellement à être d'accord que rien ne se passe. Et bon, la question n'est pas tellement de savoir si on va essayer de représenter toutes les sensibilités, la question est de savoir finalement, au fond, si on laisse un mouvement prendre, disons, suivre sa propre dynamique, et qui effectivement veut dire qu'à chaque moment, il y a oui, des cas d'égalité, des cas de conflit, des cas vraiment de conflit de sensibilité qui s'opposent. Et qu'à ce moment-là, bien sûr, disons chacun le tranche à sa manière, quoi. Bon, voilà, c'est tout ça, c'est formel, mais bon, on va essayer d'avancer un petit peu dans la discussion pour que ce soit moins formel, quoi. Mais bon, cela dit, bon, par rapport à la première intervention, je crois que Bon, il ne faut pas commencer par vouloir justement classer les gens en termes de classe sociale. On est quand même dans une logique, effectivement, où on n'est plus, disons, dans le, on n'est plus il y a 40 ans, on n'est plus il y a 30 ans, dans une logique de grande dispersion, effectivement, où malgré tout, c'est précisément la teneur politique d'un mouvement, ce que les gens font, quoi, finalement, qui permet, disons, de se rendre compte. Et c'est pas l'origine sociale qui compte, quoi. Bon, voilà, pour le moment. Alors, Laurent ? D'abord, merci aux Gilets jaunes de Bonneuil d'organiser aussi des moments comme ça. Il n'y a pas que cela, mais aussi des moments comme ça pour tout le monde. Sur la question de la division, d'abord, je suis bien content d'intervenir sur cette question. Moi, et je pense beaucoup, sont rentrés aux Gilets jaunes en enfilant un gilet jaune, mais en n'abandonnant pas ce qu'ils sont. Donc, on a des histoires différentes. Des histoires politiques, des histoires sociales, des histoires personnelles différentes. Et c'est normal que c'est... il faut l'accepter, que ces histoires rentrent en collusion et qu'on ait besoin on ne se connaissait pas avant. Et qu'on ait besoin de se confronter ce qu'on est, ce qu'on a été. Mais par rapport à la division, je pense que la question est mal posée, si je peux me permettre. Parce que... c'est justement un mouvement. Et poser la question en termes de division, c'est poser la question de manière un peu fixe, comme si c'était un État. Et moi, je trouve que ce mouvement nous a fait bouger tous. Moi, il m'a fait bouger, il a fait bouger ceux que j'ai rencontrés. Et le mouvement a bougé lui-même, il est parti contre la hausse du gasoil. Et il arrive maintenant à poser la question de justice sociale, justice fiscale, démocratie. C'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas fixe à l'intérieur et qui bouge les uns les autres. Donc, la question de ce qu'on est et qui nous divise, je pense, elle se dépasse parce qu'on est ensemble, on échange ensemble et on bouge tous ensemble, pas au même rythme. Et on ne deviendra pas un commun. Mais en tout cas, moi, personnellement, l'expérience que je fais dans ce mouvement, c'est d'avoir beaucoup bougé. La dernière chose que je veux dire, pour ne pas être trop long, c'est cette histoire de se connaître, pour moi, est très importante, pas seulement parce que c'est une question humaine, mais elle est très importante en rapport à ce que nous voulons faire. Nous voulons foutre en l'air Macron, mais c'est après Macron que ça commence. C'est après Macron que ça commence, parce qu'on a tous envie, pas seulement de dégager, mais de construire autre chose, on est là pour ça. Enfin, je crois... Et ce moment-là, le fait qu'il soit précédé de moments de friction, qui sont des moments de connaissance, des moments d'opposition des uns avec les autres, c'est pour moi un gage, une condition pour pouvoir construire ensemble à l'avenir sans que nous devenions des identiques. Edwige. Oui, à peu près ce que je voulais dire a été dit, mais tant pis. Moi aussi, je trouve que la question, elle n'est pas du tout intéressante parce que tu poses une question, comment on dit, d'où tu la poses ? Tu la poses, j'ai l'impression, d'un petit militant de gauche, d'extrême gauche. C'est un a priori, les divisions. Moi, quand je suis allée au Gilets jaunes, j'y suis allée le premier samedi, je ne me suis absolument pas posé la question de la division, s'il y avait des blancs, des bleus. Non, j'ai entendu ça, mais c'est génial ce mouvement. J'y fonce chaque samedi. Il y a une unité, c'est Macron démission et Emmanuel Macron aux têtes de cou, on vient de chercher chez toi. Là-dessus, on ne sera jamais divisé. Et c'est vrai que la division, on s'en fiche, ce n'est pas un problème. On n'est pas, chaque être humain est divisé de toute façon. On n'est pas des êtres entiers. Ça n'a pas de sens. On n'a pas une forme comme ça parfaite. Donc voilà, la division, pour moi, ce n'est pas une question. C'est un faux problème. Bonjour. Bon, moi, je ne viens pas de Paris. Je viens de la maison du peuple de Saint-Nazaire. Merci. Je tenais à dire un petit truc sur ce qu'a dit le monsieur. J'aime pas ce mot racisé. Dans ce mouvement, moi je suis SDF depuis 20 ans. Je suis anarchiste. Je suis arrivé à Saint-Nazaire 2 semaines après le début du mouvement. J'ai été très bien accueilli par des gens de différentes opinions politiques et de différents milieux sociaux. J'ai été nommé porte-parole de Saint-Nazaire avec ma vieille tête, alors qu'on est très peu de gens racisés dans le groupe. Je ne vois pas en quoi le mouvement met des gens racisés de côté. Et non plus pour la parole des femmes. Les femmes sont très, très, très, très nombreuses dans ce mouvement, partout, et elles ont la parole partout. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.